politique et gangstérisme ont trop souvent fait bon ménage. Aux États-Unis d'abord, difficile d'oublier par exemple que Kennedy doit son élection au soutien de la mafia qui a fait voter démocrate dans certains secteurs de Chicago qu'elle contrôlait. Kennedy, qui ensuite a peut-être été victime de cette même mafia qui lui a reproché de manquer de reconnaissance. Mais il faut aussi songer à l'Italie, où les mafias siciliennes, napolitaines ou calabraises ont largement infiltré la démocratie chrétienne et se sont parfois coquinées à l'extrême droite pendant les années de plomb. En Belgique également, la mystérieuse affaire des tueurs fous du Brabant, toujours non résolue, a vraisemblablement des relents politiques. Et en France, il n'en a pas été autrement. Souvenons-nous de l'affaire Ben Barka où des truands notoires ont joué le rôle que l'on sait, ou encore du sac gaulliste qui n'a jamais hésité à recruter des gros bras dans la pègre. Et puis, il y a les Guérini, un clan de caïds corses qui a longtemps tenu le haut du pavé à Marseille et qui a joué un rôle politique important dans l'histoire de la cité phocéenne. Une histoire obscure que M. X a choisi de raconter cette semaine, une saga où l'on va découvrir aussi que les services secrets n'ont pas été étrangers à l'ascension des frères Guérini. On a souvent été tenté de comparer la Corse et la Sicile. Oui, bien sûr, deux îles de la Méditerranée. Oui. Elles ont beaucoup de points communs, c'est vrai. À commencer par le manque de ressources propres. Une pauvreté qui a conduit beaucoup de leurs habitants à choisir le chemin de l'exil. Les Siciliens, en Amérique du Nord, essentiellement, et les Corses, un peu partout dans notre ancien empire colonial. Mais sur le continent. Bien entendu, les Corses ont fourni à l'administration française un important contingent de fonctionnaires. Autre point commun, le relief. Et puis des traditions culturelles, par exemple, la solidarité familiale et même villageoise. Et la vendetta. Oui, oui. Et aussi un sens de la fierté qui peut parfois être redoutable. Mais faut pas oublier que ces deux îles ont été trop souvent victimes d'invasions étrangères. Et ça explique que Corses et Siciliens, si entreprenant à l'extérieur de leur île, ont été chez eux tentés de se replier et de faire montre d'une solidarité exceptionnelle. Par contre, pour en venir au sujet qui nous occupe aujourd'hui, ils n'ont pas développé les mêmes structures en matière de délinquance. Ah oui, alors c'est-à-dire ? Bon, en Corse, contrairement à ce que certains ont prétendu, n'a jamais existé comme en Sicile de mafia. Enfin, je veux parler d'une organisation centralisée et fortement hiérarchisée. Une sorte d'armée du crime où règne une discipline absolue. Non, non, non, les Corses, s'ils ont fourni beaucoup de gangsters... Autant de policiers. C'est exact. Ouais. Et de militaires aussi. Hein. Il faut toujours se souvenir que les soldats corses ont payé un lourd tribut pendant la Grande Guerre. Proportionnellement, ils ont compté plus de morts dans leur rang que les continentaux. Mais enfin, là, je m'éloigne un peu. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'il n'a jamais existé en Corse une mafia organisée. Plutôt un puzzle de bandes et de clans où les membres sont unis par des liens familiaux ou locaux. Mmh. Et où règne l'omerta, la loi du silence ? Même si parfois on a exagéré sur ce point très particulier. Il y a eu aussi des indiques dans le milieu corse. Enfin, passons. Et venons-en au Guérini. La famille est originaire de Calenzana, un village de montagne proche de Calvi. Une famille très pauvre. Le père est bûcheron et élève des chèvres. Et les 8 enfants Guérini ont connu la faim et la misère. Mmh. Ce qui va les pousser à quitter la Corse. Ah ben, comme un grand nombre d'autres Iliens qui n'ont pas d'autre choix en ce premier quart du XXe siècle. C'est ainsi qu'Antoine et Barthélémy, qu'on appelle plus volontiers Mémé, prennent le bateau pour Marseille. Mmh. Marseille qui va bientôt devenir la plus grande ville corse. En effet. Et presque naturellement, les deux frères cherchent des soutiens auprès de proches de leur famille déjà installés à Marseille. Et tandis qu'Antoine, l'aîné, exerce le métier de barman. Mémé, lui, se place sous la protection d'un proxénète, ami. Et ça va décider de son destin. Ouais, c'est-à-dire son destin de gangster, là, soyons clairs. Hein. Mmh. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que s'il avait été aidé par un Corse honnête, Mémé Guérini aurait pu vivre une autre existence ? Bah, pourquoi pas ? Il faut bien comprendre que le jeune homme est frustre, pratiquement analphabète, qui ne possède aucun métier et qui n'a alors pour lui... Pardonnez-moi que sa belle gueule. Ah ouais. Et grâce à son ami, alors, il devient à son tour proxénète. Comme son frère Antoine, qui le rejoint et fait travailler lui aussi ses premières filles sur le pavé de Marseille, ou dans les maisons closes qui sont alors légales, je vous le rappelle. Ouais. Alors, on est dans quelles années, là ? Oh, fin des années 20, début des années 30. Les deux frères Guérini sont donc devenus de modestes souteneurs. Mais ils ont les dents longues. Et ne vont pas se contenter de rester des barbillons, comme on dit dans le milieu. Mais des petits barbeaux, quoi. C'est ça, oui. Le premier, Antoine, achète un bar. Et le rêve de devenir un commerçant honorable. Et en même temps, la possession d'un tel genre d'établissement, ça permet de se livrer à pas mal de petits trafics. Mais attention, malgré leurs dévorantes ambitions, les frères Guérini veillent à ne pas se fâcher avec les patrons incontestables du milieu. C'est-à-dire à ne pas empiéter sur leur activité. Et les caïds, là, qui sont-ils? Vous avez certainement entendu parler d'eux, ne serait-ce que par le cinéma, rappelez-vous, Borsalino. Ah oui, Carbone et Spirito. Oui, les deux premiers gangsters français qui vont construire un véritable empire. Et donc pas seulement à Marseille. Ah non, ils exercent leur pouvoir sur toute la Côte d'Azur, mais aussi sur des cabarets et clubs parisiens. En outre, ils mettent au point la première filière internationale de trafic d'héroïne. De la drogue qui vient de Turquie et finit par arriver dans les rues de New York. Et cela avant la Seconde Guerre mondiale. Oui, tout à fait. Ils étaient en avance. Et ils s'étaient même adjoints les services d'un authentique chimiste, capable de transformer la morphine base en héroïne pratiquement pure. Et ça, c'est une opération assez compliquée, n'est-ce pas? Très compliquée et dangereuse pour la santé, la santé du chimiste, je veux dire. La santé des drogues. Enfin, bon, qui étaient vraiment ces précurseurs là? Carbone, prénom Paul Bonaventure, est un truand napolitain qui s'est fixé à Marseille. Mais le plus intéressant des deux est sans conteste François Spirito. Il s'appelle en réalité Charles-Henri Faccia. C'est le véritable cerveau du duo. Ah, d'où son pseudo peut-être. C'est possible. Spirito, ouais. En tout cas, lorsqu'il arrive à Marseille un peu avant les Guérini, c'est lui aussi un parfait analphabète qui sait à peine signer son nom. Ce qui ne va pas l'empêcher de faire son chemin et même d'inventer un nouveau genre de gangstérisme. Alors qu'il n'existait jusque-là que des souteneurs isolés qui exploitaient deux ou trois filles et quelques bandes de truands, Spirito et son compère Carbone vont voir les choses en grand. Ouais, une organisation. Oui, et pendant presque deux décennies, ils dominent toute la pègre. Prostitution, machine à sous, trafic d'armes et bien sûr la drogue. Mais là encore, ce sont des novateurs. En France, tout au moins, ils se débrouillent pour passer une véritable alliance avec le personnel politique qui a la main mise sur Marseille. Avec qui en particulier? Simon Sabiani, le maire adjoint. Un type de gauche corse, lui aussi, et qui finira par virer carrément au fascisme dans les années 30. Je veux bien, mais alliance, ça veut dire quoi? Carbone et Spirito ont besoin de protection. Ouais, pour éviter des ennuis avec la police. Et faire prospérer leurs petites affaires en toute tranquillité. Et en retour, les deux gangsters rendent des services. Les collages d'affiches, la surveillance des réunions électorales, et même l'organisation de contre-manifestations lorsque la gauche descend dans la rue. En 1934 en particulier, les hommes de main de Carbone et Spirito interviennent même contre les dockers en grève. Oui, puis ça doit être des interventions musclées. Hein. Ah bah forcément, les gangsters n'hésitent pas à faire usage de leurs armes au milieu de la foule des manifestants. D'autant qu'ils sont à peu près assurés de l'impunité. Et les années 30 seront particulièrement meurtrières à Marseille. Ouais, poursuivons avec ces deux truands et puis nous en aurons fini provisoirement avec eux. Leur protecteur, Sabiani, devient le délégué PPF pour le Midi de la France. PPF, c'est le parti de l'ancien communiste Jacques Doriot. Hein. Oui, un parti ouvertement fasciste, calqué sur les partis nazis et mussoliniens. Carbone et Spirito suivent, bien entendu, et mettent à la disposition de Sabiani tous les malfrats qu'il contrôle. Et lorsqu'après la débâcle vient le temps de l'occupation, ils vont se lancer dans la collaboration et deviendront des membres actifs de la Gestapo française. Et là, c'est la Gestapo des truands de la rue Lorisson à Paris? Oui, mais enfin, il existe aussi une filiale marseillaise qui s'installe après l'invasion de la zone libre par les Allemands. Enfin bref, les deux gangsters sont maintenant aussi des auxiliaires de police, des délateurs et des tortionnaires. Mais ils n'oublient pas, bien sûr, de veiller sur tous les établissements qu'ils possèdent, boîtes de nuit, maisons de jeux, cafés, etc. Seul, le trafic de drogue est au ralenti à cause de la guerre et des difficultés de communication avec les États-Unis et les pays fournisseurs. La difficulté d'approvisionnement. Ouais. Et alors, quand vient la libération? Attendez. En 1943... Carbone meurt dans une catastrophe ferroviaire, un sabotage. Le sabotage de la résistance. Oui. Et Carbone, alors, a droit à des obsèques quasi officielles, où viennent de nombreux dignitaires du régime de Pétain et des artistes comme Mistinguette ou Tino Rossi. Ah oui. En tout cas, cette disparition du gangster signe aussi le commencement de la fin de la bande. Tout de suite, après le débarquement en Normandie, Spirito anticipe. Et en compagnie de Sabiani, il passe en Espagne. Ah, il a deviné que les carottes étaient cuites. Oui, en effet. Et puis on le retrouve ensuite aux États-Unis, où il va jouer un rôle important dans le trafic d'héroïne. Mais il ne dispose plus de la protection d'un Sabiani et il finit par être arrêté. 2 ou 3 ans plus tard, libéré, il revient en France. Où il doit faire l'objet de poursuites. Hein. Des poursuites pour collaboration avec l'ennemi. Il est donc effectivement appréhendé, jugé, emprisonné. Mais curieusement, 8 mois plus tard, il recouvre la liberté et achète un restaurant sur la côte. 8 mois seulement. Ouais. Il a bénéficié de protection. Ben, c'est sûr, parce qu'il méritait le poteau d'exécution. Mais il est certain que lorsqu'il est rentré en France, la justice était beaucoup plus clémente et que d'anciens collaborateurs avaient relevé la tête. Mmh. Et ensuite, alors ? Bah, il vit apparemment comme un retraité, joue à la pétanque et dispense ses conseils quand il y a une embrouille dans le milieu. Ah oui, c'est une sorte de juge de paix, quoi. Oui. Mmh. Mais la police, sans pouvoir le coincer, le soupçonnera de continuer à s'occuper de trafic de drogue. Jusqu'à sa mort, à la fin des années 60. Une mort naturelle ? Un cancer, oui. Ah bon. Alors, si vous voulez bien, revenons au Guérini. Justement, je voulais vous demander, les parrains de la pègre, avant-guerre, ayant choisi le fascisme, comment, eux, vont-ils se comporter ? Eh bien, ils vont louvoyer. Assez habilement, je dois dire. L'historien Grégory Oda a publié un ouvrage sur les bandits corses. Dans cet extrait, il commence par la citation d'un auteur, un autre auteur. Jean-Paul Brunet, dans son ouvrage concernant Jacques Doriot, fondateur du Parti populaire français, revient sur ces procédés de l'antenne marseillaise du parti et explique que les méthodes d'action de Sabiani étaient fort contestables, car si, à Marseille, l'utilisation de la pègre à des fins politiques était une habitude, il surclassa de ce point de vue ses devanciers et ses rivaux. En 1930, avec l'aide de ses amis, les truands Carbone, Spirito, Guérini, il transforme ce qui n'était alors que la bande à Simon, ou la bande à Carbone, en phalange prolétarienne. Ces dernières, composées de marginaux recrutés dans les barlouges du port, de marins et de dockers, de corses et d'italiens, et bientôt de chômeurs en plein désarroi, formaient un service d'ordre fourni et redoutable, toujours prêt à faire le coup de poing et à tirer le revolver, une cohorte prétorienne fanatisée et prête à tout. Les méthodes de Sabiani touchaient aussi aux manipulations électorales. En tout cas, même si Sabiani n'était pas alors le seul politicien gangster, le sabianisme était devenu synonyme de gangstérisme. Et au bras de Commenté, Sabiani avait ainsi fédéré une partie importante du milieu marseillais et utilisait sa force de frappe, sa capacité de nuisance et ses réseaux informels de renseignement pour le compte de son parti ou de sa clientèle. Vous aurez certainement noté que l'historien a mentionné les Guérini au nombre des affidés de Sabiani. Alors, qu'en était-il réellement ? Il faut d'abord dire qu'un truand marseillais des années 30 ne pouvait pas travailler, si j'ose dire, sans avoir reconnu la suzeraineté de Carbone et Spirito. Donc, il est vrai que les Guérini ont d'une certaine façon fait partie de leur gang. Mais, et je pense surtout à Mémé Guérini, ils ne l'ont certainement pas fait de gaieté de cœur. Pourquoi ? Parce que Mémé, par conviction ou par opportunisme, ça je ne sais pas, avait plutôt des sympathies pour l'autre camp. Ah oui, la gauche alors. En effet, aussi surprenant que cela paraisse. Mmh. D'habitude, les truands sont du côté du plus fort, non ? Et à Marseille, avant-guerre en tout cas, c'était clairement le camp Sabiani qui avait le vent en poupe. Oui, vous avez raison. Il n'empêche que les Guérini vont nouer des relations avec les socialistes locaux et surtout avec une des figures de gauche de l'époque, un autre Corse, Pierre Ferri Pisani, un syndicaliste qui est le porte-voix des ouvriers du port et des marins et va devenir premier adjoint du maire lorsqu'en 1935, les socialistes l'emportent aux élections. Contre le clan Sabiani, donc. Oui. Alors, quand vous parliez d'opportunisme. Ah, certes, mais Mémé, le plus politique des deux frères, ne variera plus jamais, restera fidèle à la gauche. Au moins, jusqu'au retour du général de Gaulle en 1958. Mais enfin, n'allons pas trop vite. Bien sûr. Et Antoine, lui, est plus fluctuant, non ? Certainement. Mmh. Antoine Guérini pense d'abord à son commerce. Les filles, la drogue, et quand viendra l'occupation, le marché noir. Quoi qu'il en soit, dans cette période très troublée et très violente de l'avant-guerre, Mémé Guérini s'engage nettement aux côtés de Ferri Pisani et va même jusqu'à recruter des costauds pour affronter les hommes de main de Sabiani. Mmh. Alors, si je comprends bien, dans chaque camp, il y a des voyous. Ben, c'est la vérité. Et disons-le tout de suite, à Marseille, il y aura désormais toujours des interconnexions entre la politique et le milieu. Bon, alors avançons. Pendant l'occupation, comment se conduisent les Guérini? Encore une fois, les frères se différencient. Mais d'une certaine façon, c'est assez pratique. Ah oui, ma main gauche ignore ce que fait ma main droite. Oui, hein. Enfin, c'est l'impression qu'ils donnent. Ils jouent sur les deux tableaux. D'autant plus que d'autres Guérini sont venus en renfort. Quoi, d'autres membres de la fratrie? C'est ça. Car le clan est riche et possède plusieurs bars bien cotés. Antoine a même acheté un cabaret fréquenté par le tout Marseille. Alors Antoine, justement, officiellement marchand de liqueurs, il s'occupe sur toutes ses affaires, c'est-à-dire des trafics en tout genre. Et bien sûr, il continue à gérer les maisons closes du clan, ce qui le conduit parfois à pactiser avec les hommes de Carbone et Spirito. Mémé, lui, réagit différemment. C'est-à-dire, il s'engage? Clairement, oui. Ce caïd a la fibre patriotique. Et dès 1941, il rejoint la résistance. Ah, 41, donc bien avant l'invasion de la zone libre. Mm-hmm. Et que fait-il alors? Il effectue d'abord des missions de liaison dans le sud de la France. C'est ainsi qu'il prend contact avec le réseau Brutus, créé par un jeune homme qui va jouer un rôle important dans sa vie. Oui, c'est Gaston Defer. Oui, un avocat d'origine cévenole qui est membre du Parti Socialiste Clandestin. Protestant aussi. Hein? Et donc un peu austère et rigoureux, même s'il manque pas d'humour à l'occasion. Donc, deux personnages qui n'ont rien en commun. Le bourgeois protestant et le truand corse qui a commencé en mettant des filles sur le trottoir. Curieux attelage, en effet. Ouais. C'est la résistance. Et puis ces deux hommes partagent au moins une qualité, le courage physique. En tout cas, Mémé est très actif. Il organise des filières d'évasion pour les réfugiés. Et au début de 1942, alors que les Allemands n'ont pas encore pénétré sur la Canebière, il prend l'initiative de réunir plusieurs dizaines de truands marseillais qui vont former un maquis particulièrement efficace. Mmh. Mais quand arrive le moment où les troupes allemandes envahissent la zone libre? La situation se radicalise. Les nazis pourchassent juifs et résistants. Des résistants qui ripostent en perpétrant de nombreux attentats contre les troupes allemandes et les collaborateurs. Et Mémé Guérini y participe? Efficacement. Et grâce aux complicités corses dont il dispose dans l'administration, il parvient à éviter les arrestations. Il cache aussi des juifs dans les caves des établissements du clan. Même Antoine se met de la partie. Quoi qu'il en soit, cette grande activité de la résistance décide les nazis à frapper un grand coup. Là, je vois ce que vous voulez dire, c'est le dynamitage du quartier du Vieux-Port. Hein. Un quartier de petites gens qui symbolise pour Vichy et l'occupant tout ce que l'on reproche à Marseille. Les mélanges interraciaux, la présence des voyous, les bars interlopes, etc. Ouais, bref, tout ce qui fait l'originalité et même la richesse de ce port méditerranéen. Hein. Évidemment. Donc, les Allemands, en parfait accord avec le chef de la police de Vichy, René Bousquet, qui se déplace même à Marseille, veulent nettoyer cet îlot de criminalité. Toutefois, le Karcher n'a pas encore été inventé. Hein. Mais la dynamite, oui. Avant la destruction totale du quartier, des milliers de gendarmes et policiers français qui travaillent sous les ordres directs des SS organisent une gigantesque rafle. Toute la population est évacuée et contrôlée. Ça permet à l'occupant de procéder à des milliers d'arrestations. Et plus de 1500 personnes sont directement expédiées vers les camps de la mort. 1500 personnes. Mmh. Est-ce que des gangsters sont arrêtés? Bien entendu. Mais les amis de Carbone et Spirito sont aussitôt relâchés. Carbone qui, entre parenthèses, a assisté impuissant au dynamitage de quelques-unes de ces maisons closes. Pauvre homme, oui. Et les Guérini, eux? Antoine et Mémé ont été interpellés et conduits au Baumettes. Antoine, qui a de précieux amis dans le camp de la collaboration, recouvre rapidement la liberté. Mais il n'en va pas de même pour Mémé, dont on connaît le rôle dans la résistance. D'abord, passé à tabac, il est promis au peloton d'exécution. Mais grâce à la complicité d'une Corse, il parvient à s'évader et gagne son île natale. Et il ne va pas tarder à reprendre ses activités au sein de la résistance. C'est-à-dire qu'il revient sur le continent? Après quelques péripéties, le bateau sur lequel il a pris place en compagnie de sa fiancée corse est coulé par erreur par un sous-marin britannique. La fiancée se noie. Guérini, lui, bien qu'il ne sache pas nager, réussit à s'accrocher à un morceau de l'épave. Et il finit par être récupéré par l'équipage d'un bâtiment de guerre italien. Italien, c'est-à-dire qu'il se trouve dans les mains de l'ennemi. Et il sait qu'il est recherché par la Gestapo. Aussi, il est à peine conduit dans un hôpital militaire toulonnais qu'il tente de s'évader. Il réussit? Et encore une fois, oui. Et il parvient à revenir à Marseille, où il se lance à corps perdu dans l'action clandestine. Corps perdu, parce que il est désespéré. Certainement. La mort de sa fiancée l'a profondément marqué. Et on prétendra que s'il prenait autant de risques, eh bien, c'est qu'il voulait en finir avec la vie. Bon, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, les événements s'accélèrent et déjà, du côté des résistants, on pense à l'avenir. À la libération. Et Gaston Defferre a décidé de passer à l'action. Le grand journaliste Jacques de Rogy a souvent enquêté à Marseille. En 1982, il publie dans l'Express un grand article intitulé « Le sang et l'argent ». Dans l'extrait suivant, il évoque carbone et spirito. Arrive la débâcle de 1940. Soucieux d'ordre moral, Vichy, les internes assisteront. La police allemande les ramène à Marseille munis de cartes qui non seulement les mettent à l'abri de la police française, mais leur ouvrent toutes grandes les portes du marché noir et des bureaux d'achat nazis. Tandis que son ami spirito se laisse embrigader par la sinistre Gestapo corse du boulevard Flandrin, Carbone se contente d'entretenir à grands frais sa maîtresse, Germaine Germain, une tenancière plus connue sous le nom de Manouche, dont il attend un enfant. La destruction du Vieux-Port, ordonnée par le commandement SS et exécutée par Vichy du 23 janvier au 29 février 1943, sous prétexte de salubrité, fend tout de même le cœur de l'intouchable caïd. Lui et les siens ont beau avoir évité la rafle monstre qui a fait tomber 43 bordels et 30 barbillons et livré 2000 indésirables juifs ou étrangers à la déportation, c'est une page de sa propre jeunesse qui vient d'être brutalement arrachée. Alors que prépare Gaston Defferre en vue de la libération? La prise du pouvoir, tout simplement. À son profit. Et à celui du Parti Socialiste clandestin dont il est devenu un membre important. Mais alors, comment procède-t-il? Il crée des milices socialistes, c'est-à-dire des troupes de choc capables de s'emparer de la ville par la force aussitôt que la libération sera en vue. Et ces milices, elles sont composées de qui? Leurs membres viennent essentiellement du célèbre quartier du Panier, un fief socialiste, mais qui est aussi un des hauts lieux de la pègre corso-marseillaise. Alors, obligatoirement et en partie grâce aux Guérini, on va retrouver dans ces milices pas mal de voyous d'origine corse qui figureront plus tard dans le Gotha du milieu. Mais il y a aussi d'authentiques socialistes et des policiers révoqués par Vichy. Et combien alors? Combien d'hommes sont recrutés là par ces milices? Je pense 300 environ. Des hommes entièrement dévoués à de faire. Et puis en même temps, ils forment sa garde prétorienne. Tout à fait. À la tête de ces milices de fer place un citoyen originaire de l'île de Beauté, Horace Manicacci, qui se trouve comme par hasard originaire du même village que les Guérini et qui leur est apparenté. Ah, ça renforce les liens entre de fer et les Guérini. Hein. Pas forcément. Hein. Le futur maire de Marseille est très méfiant et il n'entend pas être l'otage des gangsters, même si ceux-ci participent de façon très active à la lutte contre l'occupant. Ah mais je vois là, je ne refuse pas votre aide, mais s'il vous plaît, restez à l'écart. Oui, enfin ce sera toujours, semble-t-il, l'attitude de Defferre vis-à-vis du milieu. Il n'ignorera pas que les gangsters marseillais lui donnent à l'occasion un coup de main, mais il se gardera bien de les fréquenter. Ouais, c'est quand même parfaitement hypocrite, non? D'autant que ces voyous qui vont par exemple faire voter pour lui, hein, ou coller ses affiches, n'agiront pas gratuitement, ils demanderont forcément des contreparties en échange de leur aide. Oui, ça, c'est vrai. C'est vrai qu'à la mairie de Marseille, on trouvera pas mal de fonctionnaires corses, mais ça n'ira jamais jusqu'à la corruption. Defferre est beaucoup trop malin, et sans doute aussi trop honnête, pour tomber dans un tel piège. Toutefois, il existera en effet une collusion objective entre le clan Guérini et Gaston Defferre. Ça, on ne peut pas le nier. Même si Gaston, qui était volontiers colérique, explosera à chaque fois qu'on abordera le sujet. Bon, reprenons le cours de notre entretien. Ouais, bon. On en était à la préparation de la libération. Les milices socialistes en particulier et les résistants de façon plus générale se montrent de plus en plus audacieux. Ils n'hésitent pas à attaquer à la grenade le QG allemand à Marseille, mais aussi les locaux du PPF de Sabiani. Et ensuite, ils exécutent des hommes de la milice. Oui, la sinistre milice de Vichy. Et également une dizaine de militants du PPF. De l'autre côté, chez les hommes de Sabiani et Spirito, on se déchaîne. Enlèvements, tortures, dénonciations, etc. Dans le même temps, les établissements du clan Guérini accueillent dans leur cave des officiers britanniques et leurs postes émetteurs. Et ça vaut à Antoine, qui jusque-là avait montré peu de zèle résistant, d'être envoyé en résidence surveillée en Corse, sur ordre de Sabiani. Faut que c'est pas bien méchant. Oui, hein. Je suis d'accord. Mais il est évident que, désormais, la famille tout entière est engagée dans la lutte. Mémé lui-même ira jusqu'à attaquer un camion de la milice pour délivrer une petite fille juive. D'autres frères Guérini, réfugiés en Corse, participeront de façon active à la libération de la Corse, premier département français à échapper aux griffes des forces de l'Axe pendant l'automne 1943. Ouais. Et bientôt, c'est le débarquement en Provence. À la mi-août 44, oui. Mmh. La CGT et les maquis communistes déclenchent une grève générale. Et les responsables de la Gestapo et les chefs collabos se hâtent de fuir. Il n'empêche que l'on se bat dans les rues de Marseille. Que font alors les milices socialistes à deux de fer? Elles participent bien sûr au combat. Mais c'est alors la lutte pour le pouvoir qui se joue. Gaston Defer le sait très bien. Et il envoie ses fidèles, mitraillettes à la main, s'emparer du quotidien local, le Petit Provençal. Qui va devenir, sous la houlette de Defer, le Provençal, tout simplement. Oui, le jeune avocat a compris que s'il voulait un jour conquérir la ville, il lui faudrait s'assurer du contrôle du principal journal. Calcul intelligent. Certainement. Mais Defer devra quand même attendre encore quelques années avant d'entrer définitivement en patron à la mairie de Marseille. On en reparlera, si vous voulez bien. En tout cas, la libération de Marseille, si elle ne fait pas de doute, est chèrement acquise. Car c'est une vraie bataille qui s'engage et qui va durer une dizaine de jours. En effet, les Allemands tardent à se rendre et les résistants multiplient les actes d'héroïsme. Mémé Guérini, par exemple, précipite sa voiture contre un char ennemi. Puis il descend et détruit le char à coups de grenade. Un type drôlement courageux quand même. Incontestablement, et ça lui vaudra d'ailleurs à juste titre d'être décoré. Fin août, la victoire est enfin acquise. Defer s'installe provisoirement à la mairie au nom du comité départemental de libération, tandis que Mémé Guérini, juché sur un char, descend triomphalement la Canebière. Guérini, qui, notez-le bien, n'en reste pas là. Avec l'armée française, il va continuer le combat jusqu'à Strasbourg, où son ultime action de sabotage sera récompensée par la croix de guerre avec étoile d'argent. Ça veut dire alors, en tout cas, qu'il abandonne Marseille un petit moment, Oui, enfin, provisoirement. Mais ses frères et ses amis veillent au grain, quand même. Parce qu'il y a des affaires à faire, quand même, Et des places à prendre, car les truands les plus compromis ont fui. Ici, il faut tout de suite remarquer que l'on assistera un peu plus tard à d'étonnants rabibochages au sein du milieu. Gangsters, résistants ou collabos ne tarderont guère à se réconcilier, que voulez-vous. L'argent n'a pas d'odeur, et celui du banditisme encore moins. Mais pour l'instant, chacun veut sa place au soleil, et ça va bientôt dégénérer. Ah, c'est des bagarres entre voyous? Des bagarres sanglantes, oui. Des vendettas impitoyables. Et les Guérini dans tout ça? Sans jeu de mots, ils représentent, eux, le haut du panier. Ils se tiennent à l'écart de ces règlements de compte subalternes. À peine daignent-ils parfois jouer les juges de paix. En tout cas, personne n'ose contester leur suprématie, car ils sont devenus les nouveaux maîtres du milieu. Alors, si je comprends bien, au fond, ils se sont purement et simplement substitués au duo Carbone-Spirito. C'est parfaitement exact. Des truands socialistes, ou considérés comme tels, remplacent des gangsters d'extrême droite. Voilà tout. À noter d'ailleurs que certains ont pris le virage au dernier moment et avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, avant qu'ils soient considérés comme des collabos. Ou pire. Certains auxiliaires de la Gestapo ont pu s'en sortir en ralliant la résistance dans les mois ou même les semaines qui ont précédé la libération de Marseille. Mais j'ajoute tout de suite qu'il s'est noué pendant cette période des amitiés improbables. Et que voulez-vous dire là? Des policiers, par exemple, ont été amenés à agir solidairement dans la résistance avec des gangsters. Et ça, ça laisse forcément des traces. Ouais, ça ne s'oublie pas, Difficile d'arrêter un type qui vous a sauvé la vie, par exemple. On retrouvera ces inévitables collusions dans une célèbre affaire, le vol des bijoux de la Bégum, où au moins un policier de très haut rang a été compromis. Enfin, ça, c'est peut-être une autre histoire. Que vous me raconterez un jour, non? Bon, pourquoi pas, oui. Même si ces histoires de pur banditisme ne sont pas tout à fait ma tasse de thé, si j'ose dire. Il y a aussi, enfin, si je me souviens bien, cette étrange collusion des gangsters avec un commissaire de la DST. Roger Blément, oui. Ouais, un flic qui choisira de sauter la barrière et deviendra un gangster. Mais un grand flic, hein? Oui. Mais l'affaire n'est peut-être pas aussi claire qu'il y paraît. Ce qui veut dire? Eh bien, on peut toujours imaginer que Blément n'avait peut-être pas coupé tous les liens avec son ancienne maison. Mais on en parlera peut-être la semaine prochaine, car j'ai déjà été trop long. Non, pour en terminer aujourd'hui, les Guérini vont, qu'ils le veuillent ou non, être impliqués dans la vie politique de Marseille. Une situation particulièrement compliquée, car la guerre froide va progressivement empoisonner l'atmosphère de la ville. Ouais, c'est-à-dire la lutte contre les communistes. Et vous imaginez bien que les services secrets vont s'en mêler. Le port de Marseille est en effet une place stratégique. C'est là qu'on débarque l'aide américaine accordée à la France dans le cadre du plan Marshall. C'est là aussi que les soldats français vont embarquer pour l'Indochine, où la guerre a déjà commencé. Aussi, pour les États-Unis, mais aussi pour le gouvernement français, il n'est pas question de laisser les communistes faire la loi sur le port. Et les Guérini vont jouer un rôle dans cette Ils vont même se rendre indispensables. Rendez-vous est pris pour la suite de cette histoire où politiciens et gangsters vont être étroitement associés. En attendant, je me réfère à un ouvrage passionnant sur le milieu, Les parrains corses, de Jacques Folleroux et Vincent Nouzille, publié en 2004 par Fayard. Il souligne la grande habileté des Guérini qui naviguent avec aisance dans le monde politique. Par exemple, lorsqu'il leur faut se déterminer entre les deux leaders socialistes de Marseille, je cite. Œcuménique, les Guérini soutiennent séparément les deux frères ennemis socialistes de la SFIO. Mémé, pratiquant les accolades publiques et le racolage électoral, appuie de fer qu'il a connu pendant la guerre, tandis qu'Antoine, parfois adepte des manières fortes, reste proche de l'ancien leader Ferry Pisani, dont il a jadis assuré le service d'ordre. Mais les deux frères Guérini, aux tempéraments opposés, savent se réconcilier quand il le faut pour mener leur barque. Cette souplesse politique, qui avait déjà eu quelques avantages pendant la guerre, leur assurera une longévité hors du commun. Ce que Carbone et Spirito avaient réussi longtemps avec Sabiani, jusqu'à ce que le vent tourne et que leurs options se retournent en définitive contre eux, les Guérini vont le réitérer 30 longues années durant, écrira François Marcantoni, un de leurs amis du milieu. Les Guérini sont même prêts à surpasser leur modèle. Leur ancrage marseillais dans les années 30 leur a permis de se constituer une base solide d'activités rentables, des bars à la prostitution. Le marché noir a grossi leur bas de laine sous l'occupation. L'effet d'armes dans la résistance leur permettent d'être introduits partout. Avec sa croix de guerre et sa carte verte de combattant volontaire de la résistance, Mémé dispose de véritables sésames. Enfin, je vous signale le livre de la fille de Mémé Guérini, La saga Guérini, un ouvrage qui se lit comme un roman, mais qui pêche parfois par excès d'amour filial.